Nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nga salimia kila mmoja wenu mjina wa Bwana Yesu Kristo. Aujourd'hui, apparemment tout le monde est là. Leo kwa kuonekana mtu wote kwako. Au courant de la semaine, du côté de frère, l'église était vide. Kungambo ya banduku kadiri ya juma akukwe bantu. Mais c'est une mauvaise habitude qu'on ne peut pas louer. Ni zoezo mbaya ile hatuwezi kufurahikia. Si vous pensez que Dieu parle seulement dimanche, kama munawazia kwamba Mungu anasemaka paka siku ya juma. Et pendant cette jour, c'est la seule journée que tu as réservée pour adorer Dieu. Mui masiku saba ni paka siku ya mjuma njo unachunga njo kusikia neno la Mungu. Vous ne différez en rien d'un païen. Awachane mukintu na mpagano. Tu accomplis une simple religion. Huku natimiza tu ni dini bule. Et cela ne peut pas t'aider dans la foi. Na ile haiwezi kusaidia muimani. Un véritable fils de Dieu. Mutoto wa Mungu wa kweli. Qui a réellement cru au Seigneur. Ule alimwamini kweli kweli Bwana. Après son baptême, il cherchera toujours à croître. Kisha ubatizo yake, yeye ataendelea kukomala. Vous ne pouvez pas croître en allant au champ. Awezu komala mkuenda kumashamba. Ou lorsque vous faites vos activités. Wala wakati huku makazi yako ya mikono. Ou lorsque vous êtes à la maison. Wala wakati ile unabakia kumulango. Ce n'est pas en regardant la télévision que vous allez croître. Aina mkubakia tu kuangalia television njo unawezu komala hapana. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle. Neno la Mungu ni chakula ya roho. Qui nous amène à croître à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ile ikuna tusukuma mukukomala na tufanane na Bwana wetu Yesu Kristo. Il y a beaucoup de gens qui disent quoi? Kuko watu mingi wako nasema banaamini. Mais en réalité, ils ne croient pas, ce sont des membres d'église. Katika ukweli bo abayaamini ni ba memba tu bule wa kanisa. La plupart ne comprennent pas ce qu'ils vont suivre dans l'église. Ba mingi abaelewe na kinyewe kunafuata kanisa. Mais il faut venir à l'église à Christ avec détermination. Lakini inapaswa kuwa kukanisa wala kuwa mbele ya Kristo na mipango. Ce message est venu corriger les erreurs de dénomination. Hii ujumbe ilikuja juu ya kunyolosha makosa ya madhehebu. Mais si toi tu te comportes comme un dénominationnel. Sasa wewe kama unajiongoza sa mtu wa dhehebu. Tu n'as pas encore eu la grâce. Manake hauyapata neema. N'a jamais été secouru par le Seigneur. Manake Bwana Mungu yeye alikusaidia. C'est pourquoi nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. Je commande tunapaswa kubeba na roho yote vile tukunafanya. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. La prière. Na juu ya maombi. Dieu notre Père. Mungu baba yetu. Ce dimanche matin, ici kwa juma asubuhi, nous sommes venus en ces lieux. Tunakuja pa hifadhi. Parce qu'il y a une profondeur en nous qui nous attire vers toi. Jukuku pana ndani yetu inatukokota kwenda kwako. Nous voulons être comme toi. Tunapenda tukuwe sawa weye. Nous voulons croître. Tunapenda kumala. À la statue de l'homme parfait en Christ. Tukomale mukimo ya mtu mkamilifu ndani ya Kristo. C'est pourquoi tu nous as envoyé Jésus-Christ. Je commande au ritutumia Yesu Kristo. Qui cet homme a pris notre place en toutes choses. Oui, mutu ndio alichukua fazi yetu mubitu byote. Il a pris nos douleurs. Alichukua mauchungu yetu. Il a pris notre souffrance. Alichukua mateso yetu. Il a pris notre mort. Alichukua lufu yetu. Et il versa son sang. Na alimwanga damu yake. Pour payer le prix du rachat. Jua kulipa bei ya ukombozi. Afin de nous donner l'occasion d'être les enfants de Dieu. Ili atupatie bahati ya kuwa watoto ya Mungu. Seigneur, descends. Bwana ushuke. fais comprendre cela à chaque frère, à chaque sœur. Upate kuyelewesha kila mmoja, kila ndugu na kila dada. Merci Seigneur pour ce travail que tu as bâti pour nous. Asante Bwana juu ya kazi ulitimiza juu yetu. Ce matin descend. Asubuhi ya leo ushuke. Et parle encore à nos cœurs infirmes. Useme tena na mioyo yetu ya ulema. Nous voulons prospérer dans la foi. Tunapenda kuendelea muimani. Surtout que nous attendons ton retour. Zaidi wakati tunachunga kurudi kwako. Sois avec nous, Seigneur. Uwe nasi Bwana. Prépare-nous, Seigneur. Tutayarishe Bwana. Que nos cœurs soient disposés à te recevoir. Mioyo yetu iko tayari kupokea. Ce peuple assemblé ici a des problèmes comme des hommes. Hii taifa yenye kusanyika hapa kuna mambo sawa bantu. Répond à chacun d'eux selon la foi. Mjibu kwa kila mmoja wao kufuatana na imani. La foi qu'il a. Imani yeko nayo. À celui qui est malade accorde la guérison. Kwa mgonjwa pate kumponya. Celui qui a besoin du salut. Ula anahitaji wokovu. C'est toi qui as promis le salut. Wewe ndio ulilaka wokovu. C'est toi qui l'as accompli au bois du calvaire. Wewe ndio ulitimiza kumsalaba. C'est toi qui le réalise en nous. Wewe ndio unaitimiza ndani yetu. Il le reçoit pour la gloire de Dieu. Apate kujipokea ndio utukufu wa jina lako. Ceux qui sont dominés par le démon. Benye kutawaliwa na mademona. C'est toi qui as la délivrance. Wewe ndio una ukombozi. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit, c'est toi qui bâtis du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour nos besoins physiques. Dieu m'a étagé tout à moi, spirituel, yakiro, financier, yakifeza, moral, yakielimu. Seigneur, Bwana, nous croyons que tu es le Tout-Puissant. Tunaamini ya kwamba kumwenye uwezo wote. Accomplis-le en nous pour la gloire de ton nom. Uitimize ndani yetu jua tukufa jina lako. La parole sera lue. Neno itasomewa. Tout homme intellectuel peut la lire. Mutoto wa kujifunza ataisoma. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Na lakini tunahitaji Roho Mtakatifu. Pour l'interpréter dans nos cœurs. Dieu kuifasili ya moyo yetu. Afin que nous ayons une vie réelle. Ili tupate kuwa na uzima wa kweli. Merci Seigneur. Asante Bwana. Bénis la parole. Bariki neno. Bénis nos oreilles qui vont entendre. Bariki masikio yatasikia. Nusi ma langue une parole de grâce. Uweke yule ulimi yangu neno ya neema. Tosha mawazo yangu. Que la pensée de Christ soit sur ma langue. Mwazo ya Kristo kwa yule ulimi yangu. Afin que ton peuple soit édifié. Ili taifa kujengwe. Souviens-toi d'Israël. Ukumbuke Israeli. Et de l'épouse dans le monde entier. Na bibi arusi mulimwangu mzima. Et bénis le culte ce matin. Na ubariki ibada ya asubuhi ya leo. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Te prions ainsi. Tunaomba hivi. Amen. Amina. Deuxième chronique au chapitre 13. Mambo ya siku ya pili sura 13. Dans son verset 20, mustari ya makumi mbili, jusque dans le verset 23. Kufika na makumi mbili na nous prendrons aussi 1 Corinthiens chapitre 10. Tutachukua tena wa Korinto wa pili 10. Dans son verset 6. Mustari ya sita. Deuxième chronique 13. Mambo ya siku ya pili sura 13. Jéroboam n'eut plus de force du temps d'Abidjan. Jéroboam asikuwa tena na nguvu mu wakati ya Abidjan. Et l'Éternel le frappa. Wamilela kampiga. Et il mourut. Na akakufa. Mais Abidjan devint puissant. Alakini Abidjan akakuwa wa uwezo. Il eut 14 femmes. Alikuwa na mabibi 14. Et engendra 22 fils et 13 filles. Akazala batoto banaume makumi mbili na mbili na filles. Na babinti 16. Le reste des actions d'Abidja, mabaki ya matendo ya Abidja, ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, ila alisema na ila alifanya, cela est écrit dans les mémoires du prophète Ido. Ile inashaandikwa mu maukumbusho ya nabii Ido. Abidja se coucha avec ses pères. Abidja akalala pembeni ya bazazi yake akakufa. Et l'on enterra dans la ville de David. Na bakamzika mumuji wa Daudi. Et Asa son fils régna à sa place. Na Asa mwana wake akatawala pafazi yake. De son temps le pays fut en repos pendant 10 ans. Mwakati yake inchi kakaa katika salama kadiri ya miaka 10. Dans 1 Corinthiens 10, verset 6. Korinto wa kwanza 10, mstari ya 6. Oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Japo hivi vitu vilitufikia juu ya kutusaidia sawa mfano. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme il en a eu. Ili tusikue na matamaa mbaya vile balikuwa nayo. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Vendredi Nous avons parlé du roi Abidja. Mukazitano tursema yulu ya mfalme Abidja. Ce roi qui avait très bien commencé son règne. Huyu mfalme alianza mzuri ufalme wake. Après qu'il ait succédé à son père Roboam, kisha yeye ukombola baba yake Roboam, il était encore trop jeune lorsque la guerre éclata entre lui et Jéroboam. Alikuwa angaliki kijana wakati vita ililamuka katikati yake yeye na Jeroboam. Il n'avait pas d'expérience, n'était pas fort. Asikuwa na maonjo mingi na asikuwa na nguvu. Jéroboam était déjà un homme exercé dans la guerre. Jéroboam alikuwa mtu mwenye kuzoea mavita. Il avait combattu plusieurs années contre le père d'Abidja. Alikuwa na kombana miaka mingi kukombanisha babake Abidja. Et lorsque Jéroboam voulait attaquer Abidja, wakati Jeroboam alipenda kumkombanisha Abidja et le royaume de Juda, na ufalme ya Juda, il marcha contre Abidja avec 800 000 soldats d'élite. Akakombanisha Abidja na waaskari 1,800 ya wenye kuzoea vita. Pendant qu'Abidja n'avait aligné que 400 000 prophètes et que 400 000 soldats d'élite. Wakati ile Abidja alikuwa tu na waaskari 400 bule. Mais Abidja se voyant faible et sans expérience, wakati Abidja alijiona kwa yeye mzaifu ana na waonjo, il reçut une très grande et une très profonde révélation. Akapata ufunuo munene na mzuri kabisa. Il s'appuya sur l'Éternel. Akamtumainia wa milele. Il comprit que de lui-même il ne pouvait pas recevoir la victoire. Alielewa ya kwamba kwa yeye mwenyewe hakuwezi kuwa na ushindi. Parce que l'ennemi qui venait avant lui était un homme fort plus que lui. Kwani ule adui alikuwa na mkuu kumkombanisha alikuwa wa nguvu kumshindia. C'est ainsi qu'Abidja s'appuya sur l'Éternel. Jomuina muna Abidja alimtumainia wa milele. Et il alla vers Jéroboam et le royaume de Juda, le peuple de le peuple d'Israël. Na kaenda mbele ya Jeroboam na mbele ya ufalme wa Israeli. Pour dire à Jéroboam que tu commets une très grosse erreur. Je kumonesha Jeroboam ya kwamba unafanya kosa mnene. Parce que tu dois savoir. Wani unapashi kujua. Que moi Abidja, le fils de David. Ya kwamba mimi Abidja mwana wa Daudi. Nous sommes rois, c'est par une alliance inviolable entre moi, entre la maison de David et l'Éternel. Manake ni kumfalme ni kupitia agano ili aweze kuvunja katikati yangu mimi na katikati ya kizazi ya Daudi na Mungu. Je suis du sang royal, mimi natokea mkizazi ya ufalme. Je suis roi parce que je le mérite par la volonté de Dieu. Ni kumfalme juu na istahili kupitia mapenzi c'est ya Mungu. C'est dans le plan de Dieu, moi en tant que fils de la maison de David que je sois roi. Ni mumapla ya Mungu miwe sawa mtoto wa Daudi ndikuwe mfalme. Mais toi Jéroboam, tu n'es qu'un serviteur qui s'est révolté contre Salomon. Wewe Jéroboam ukutumutumishi ula ramtombokea mfalme Salomon. Lorsque toi tu étais devenu roi, wakati wewe unakuwa mfalme, tu avais usé de la ruse. Ulitumikisha bujanja. Tu avais profité de la faiblesse. Ulifaidia mubuzaifu wa baba yangu Roboam. Tu t'étais amassé, tu avais rassemblé derrière toi des gens pervers. Ulikusanisha kumkongo yako batu babaya. Et tu avais attaqué mon père Roboam, quelqu'un qui n'avait pas d'expérience. Na ulimkombanisha baba yangu Roboam mtu ula sikuwa na maonjo. Et lui sans expérience et craintif. Bila onjo na boka. J'ai semblé remporter sur lui. Na ulionekana sawa unamuina. C'était des paroles très profondes. Ilikuwa ni misemo ya upana. Que cet homme était en train d'adresser à Jéroboam. Et ulimutu alikuwa anamwambia Jéroboam. Il lui a dit, toi tu es un serviteur. Dans ton sang là, il n'y a pas le sang royal. Alimwambia wewe huku mtumishi mudamu yako amuna damu ya mfalme. Tu dois déjà comprendre cela. Unapashi uielewe kwa sababu. Et pour montrer que tu n'as pas tu n'es pas de la lignée royale. Kuonesha sema una wa mkizazi ya ufalme. C'est seulement les circonstances qui ont fait de toi un roi. Ni mambo tu fulani ilifika na kufanya kuwa mfalme. Après que tu sois établi. Tazama kisha uwe kuwa mfalme. Tu as commencé par abandonner l'Éternel qui t'avait donné la royauté. Ulianza kwanza kuacha wa milele ule alikupatia ufalme. Tu as chassé tous les sacrificateurs et les lévites. Ulifukuza wakuani wote na wanawi ufalme yako. Tu as érigé des hauts lieux partout. Ulijenga mafazi ya kuabudiwa ya juu. Tu as placé des statues des idoles. Mule uliweka masanamu na mankishi. Il n'y a pas dans ton royaume des hommes corrects, des hommes justes et de véritables serviteurs qui sont au service de l'Éternel. Jéroboam, tu dois comprendre cela. Jéroboam, et en plus de cela, toi Jéroboam, quand tu viens m'attaquer, tu t'appuies que si tes idoles que toi tu t'es fait. C'était des paroles très très profond. Ilikuwa ni misemo ya upana kabisa. Tu m'attaques moi, la maison de David. Unakuja kunikombanisha mimi wa nyumba ya Daudi. Écoute-moi bien, Jéroboam. Unisikilize mzuri wewe Jéroboam na wewe Israeli usikilize. Nous n'avons pas abandonné l'Éternel. Sisi hatumwache wa milele. Quand tu as chassé les sacrificateurs et les lévites, wakati ulifukuza bakuani na balawi, nous les avons reçus dans notre royaume. Tulibapokea mu ufalme yetu. Nous les avons donné une place dans la maison de Dieu. Tulibapatia fazi mu nyumba ya Mungu. Les véritables sacrificateurs et les lévites, bakuani bakweli na balawi, dans la maison de Lévi, mu nyumba ya Lévi, sont avec nous. Tuko nabo. Ils nous enseignent les lois de Dieu. Wanatufundisha sheria ya Mungu. Ils nous enseignent la crainte de Dieu. Wanatufundisha boka wa Mungu. Et nous-mêmes nous avons pris la résolution. Na sisi wenyewe tulichukua mpango. Leurs enseignements. Écoute bien. Unisikilize mzuri wewe Jeroboam. Nous avons Dieu avec nous. Sisi tuko na Mungu. Parce que nous sommes dans la volonté de Dieu. Wani tuko katika mapenzi ya Mungu. Et nous avons pas seulement les sacrificateurs. Na atuna tu na bakuani tu. Nous avons les sacrificateurs avec les trompettes. Tuko na bakuani benye kuwa na parapanda. Je ne voulais pas m'étendre là-dessus, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je suis en train de suivre. Abidja réellement avait reçu une révélation directe de la part du Seigneur. Wakika Abidja alipokea ufunuo ya kutokea kwa upande wa Mungu. Qui sont au service de Dieu. Ils ont des trompettes. C'est vrai. Et écoute bien Jéroboam. Toi tu penses qu'avec tes faux sacrificateurs et tes statues sur lesquels tu t'es appuyé, tu penses triompher contre nous. Nous avons Dieu et le véritable serviteur. Je te conseille, Jéroboam, ne viens pas nous faire la guerre. Usikuje kutukombanisha vita. Nous faire la guerre, nous, kwani kutukombanisha sisi les vita. Enfants de David, sisi batoto ya Daudi, de la royauté. Sisi ba ufa. Il y a une alliance inviolable. Tu viens combattre Dieu. Tu ne peux pas s'attaquer à Dieu et y sortir vainqueur. Il n'avait pas compris. C'est pourquoi je vous disais, quand quelqu'un est destiné à la mort, quand quelqu'un est destiné à la mort, il n'écoute pas les avertissements de Dieu. Abidja s'était entièrement appuyé sur la parole de Dieu. Abidja alitumainia kabisa paneno la Mungu na kutumainia Mungu. Wakati mkisoma 2 Chroniques chapitre 13, mambo ya siku 13, ne pas. Asikuwa na shita kuwaewaya. Hapana. Il avait foi dans ce qu'il disait. Yeye aliamini binyi alikuwa anasema. Parce qu'il savait que c'était la vérité. Kwani alijua kwamba ilikuwa ni ukweli. Akamwambia Jéroboam. D'abord, ici chez nous en Juda. Kwanza humu mwetu mu Judea. Nous avons une table pure. Tuko na meza safi. L'hôtel pur. Mazabu safi. Nous sacrifions. Kule tuko na tolea. Les sacrifices purs. Masadaka safi. Nous avons la loi de Dieu avec nous. Tuko na sheria ya Mungu pamoja nasi. Mais il n'a pas compris. Lakini yeye asikuelewe. Parce qu'il était destiné à la mort. Kwani alitayarishiwa tu ni kwenda kulufu. C'est vrai. Bia kweli. Malgré ce que Abidjan avait dit. Ata vile bile vyote Abidjan alimwambia. Incrédule qu'il était. Yeye sa vile alikuwa mtu wa kutokuamini. Et on sait qu'il était. Na alikuwa mtu mjinga. Il attaqua Abidjan. Akamkombanisha Abidjan. Et tout Israël. Na kukombanisha Israël mzima. Mais lorsqu'il fut attaqué par Jéroboam. Wakati Abidjan bani mkombanisha kwa Jéroboam. Abidjan kia à l'Éternel. Abidjan akamulalamikia wa milele. Et Dieu lui accorda la victoire. Na Mungu alimpatia ushindi. Jéroboam et le royaume d'Israël fut humilié. Jéroboam na ufalme ya Israël ikapatishwa haya. 500 000 hommes parmi les soldats d'élite de Jéroboam tombèrent et moururent. Watu 500,000 katikati ya askari wa Jéroboam wakakufa. Et Dieu lui-même s'occupa de Jéroboam. Mungu yeye mwenyewe akamwangaikia Jéroboam. C'est Dieu qui frappa Jéroboam. Ni Mungu ndiye alimpika Jéroboam. Et il fut conduit jusqu'à la mort. Na alifikishwa na mkufa. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Bia kweli dada. C'est pourquoi nous avons dit vendredi. Je commande à tout le monde mkastano. En tant que fils et fille de Dieu de la promesse. Sawa watoto wa Mungu wa malako. Lorsque nous nous trouvons dans une situation qui semble nous dépasser. Wakati tunapatikana mwali inaonekana sawa inatushindia. Où nous ne savons que faire. Muna tujue cha kufanya. Et nous n'avons pas où nous appuyer. Na tuna kwa kutumainia kwa kutegemea. Appuyons-nous sur Dieu. Sisi tumutegemee Mungu. Appuyons-nous sur Christ. Tutegemee Kristo. Vous aurez la victoire. Ale ndio mtapata ushindi. C'est ça le secret. Ile ndio siri. Criez à l'Éternel, parce que lui, il entend les cris des malheureux. Il vous répondra et vous donnera du repos. C'est vrai. C'est une très grande leçon pour nous. Nous devons tout faire selon la parole de Dieu si nous voulons que Dieu vienne agir dans notre vie. Dans tout ce que nous entreprenons, il faut que Dieu soit là. Vous commencez une activité commerciale, il faut que Dieu soit là. Même dans les champs que tu peux faire, dans l'élevage que tu peux faire, mais Dieu, il combattra pour vous et il vous amènera la bénédiction. Vous voulez entrer dans le mariage, vous voyez. Et vous recevrez la victoire. Vous voulez avoir de bons enfants. Mettez Dieu dans votre éducation. Vous aurez la victoire. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Mais remarquez, j'aime achever la pensée continue. Après que Dieu ait frappé Jéroboam, il a complètement affaibli. Kisha Mungu kumpika Jéroboam na akamlekesha kabisa. Et la Bible comme nous l'avons lu ici. Biblia paka vile tunaisoma hapa. Ce jeune homme Abidjan, appuyé par Dieu, avait affaibli complètement Jéroboam. Il ne s'est jamais relevé. Huyu kiana Abidjan mwenye kutumainia Mungu alimlekesha kabisa Abidjan Jéroboam. Ne combattez jamais Dieu, sinon vous finirez vos jours dans les difficultés. Ça, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Ne combattez jamais Dieu dans toutes ses formes. Shika mukombanishake kamwe Mungu mwali yote yote. Nalimisomea mukastano. Lorsque tu commences à s'attaquer à l'église de Dieu, wakati ukianza ukombanisha kanisa, tu n'as pas un problème avec l'église, tu as un problème avec Dieu. Pale hauna mambo na kanisa, kuna mambo na Mungu. Quand tu attaques l'église, tu méprises l'église, tu injuries l'église. Wakati unakombanisha kanisa, dans ton orgueil, tu te penses intelligent et sage et fort. Yako, unajizania kwa waakili na waekima na wanguvu. Mais quand la main de Dieu commence à se présenter sur vous, wakati mkono ya Mungu itaanza kushukia, il sera l'homme ou la femme la plus malheureuse. Utakuwa mwanamke wala mwanaume waole kabisa. Ne combattez pas les frères et les sœurs. Ushikombanishe kamwe banduku na batata. Ne méprisez pas les frères. Ushibeule banduku. Ne critiquez pas les sœurs. Ushizarau banduku. Ne juriez pas les frères. Ushitukane banduku. Ne juriez pas les hommes de Dieu. Ushitukane batumishi ya Mungu. Ne méprisez pas. Ushibabeule. Ne calomniez pas les frères et les sœurs. Ushizingizie banduku na batata. Dieu utampata Mungu munjia yako. Comme je l'ai dit vendredi. Jile na lisema mkastano. Beaucoup de gens sont frappés de maladies et de malédictions parce qu'ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. Le corps du Seigneur dont on parle, ce n'est pas le corps qui est sur le trône de grâce, c'est cette église ici. Des frères et des sœurs, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, qui marchent dans la crainte de Dieu, quand vous commencez à les humilier, à les insulter, tukana kubafezeresha, vous rencontrerez Jésus-Christ. Allez, utakutana na Yesu Kristo munjia yako. C'est bien compris? Munaelewa? Mais regardez aussi Abidjan. Tazamaini na Abidjan. La Bible dit Abidjan devenu puissant. Biblia nasema Abidjan kisha yeye kuwa na uwezo. Il eut 14 femmes. Akaoa babibi kumi na ine. Et engendra 22 fils. Akazaa batoto 16 filles. Akazaa batoto banaume makumi mbili na mbili na babinti kumi na sita. C'est comme nous l'avons déjà dit. Mpaka vile tulikuwa tunisha isema. Et c'est pourquoi j'aime vous faire remarquer cela. Mina penda mupate kushika hii. Quand les gens deviennent forts, wakati batu banakuwa na nguvu, ils tombent souvent dans l'orgueil. Kila mara beko nangukia katika majivuno ya kiburi. Et l'orgueil conduit toujours les gens à abandonner Dieu. Na kiburi kila mara iko nasukuma bantu bamwache Mungu. Quand un homme ou une femme abandonne Dieu, wakati mwanaume au mwanamke, il tombera certainement dans l'idolâtrie. Wakati mwanaume au mwanamke anamwacha Mungu, hakika atanguka katika kuabudu kwa sanamu. Quand quelqu'un tombe dans l'idolâtrie, wakati mtu akianguka mkuabudu kwa sanamu, il tombera aussi dans l'immoralité. Atanguka tena mukosefu wa heshima. Et dans toutes sortes de péchés. Na mwali yote ya zambi. Et quand quelqu'un tombe dans l'idolâtrie, wakati, et dans l'immoralité, wakati mtu akiangukia mkuabudu kwa sanamu na ukose kwa heshima, il imitera, atafatilisha certainement, hakika, toutes les abominations païennes, makufuru yote ya kipagano. Et quand quelqu'un commence à marcher dans, quand quelqu'un commence à suivre les abominations, wakati mtu anaanza kufuata makufuru, son cœur ne peut jamais être tout entier au Seigneur. Moyo wake ayesikwa yote kwa Bwana hapana. Voilà les choses jobitu qui ont fait tomber biriangushisha Abidjan. Abidjan. Et pourtant elle avait bien commencé. Japo alianza mzuri. Et pourtant il avait bien marché. Japo alitembea mzuri. Et pourtant Dieu était avec lui. Japo Mungu alikuwa pamoja naye. Ce n'est pas Dieu qui nous abandonne. Aina Mungu ule kuna tuwacha pana. C'est nous qui abandonnons toujours Dieu. Ni sisi kila mara njo tukuna mwacha Mungu. Dieu ne nous ôte pas sa parole. Mungu ashitutoshe neno lake. C'est nous qui abandonnons sa parole. Sisi njo tukunaacha neno lake. Oui bien mes frères et sœurs. Dio ndugu na dada mpendwa. L'église est toujours là. Kanisa hiyo iko hapo tu kila mara. avec les hommes de Dieu qui apportent la parole. Mais c'est vous qui abandonnez l'église et la parole. Pour aller vous plonger dans les choses de néant. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé soeur. Dans 1er roi au chapitre 15. Dans son verset 3. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Et son cœur ne fit point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Na moyo wake haikukwe yote kwa wa milele Mungu wake sawa vile ilikuwa moyo wa Daudi baba yake. Voilà ce qui a fait tomber Abidjan. Hii ndio ilimwangushisha Abidjan. Tomber dans la folie de son père. Alianguka mbazimu ya baba yake. C'est lui qui avait abandonné Dieu. Yeye ndio alimwacha Mungu. C'est lui qui avait abandonné la parole. Yeye ndio aliacha neno la Mungu. C'est lui qui est allé vers les nations païennes. Yeye ndio alienda kwa mataifa. C'est lui qui est allé chercher les abominations des nations. Yeye ndio alienda kutafuta makufuru ya mataifa. C'est lui qui est allé chercher des femmes païennes. Yeye ndio alienda kutafuta babibi bapagano. Frère, ndugu, le péché Zambi affaiblira toujours notre foi. Itendelea kulekesha imani yetu. Et le péché chassera toujours Dieu dans notre vie. C'est vrai. Et pourtant, il a bien marché. Et après, il est mort. Il a bien commencé. Il finit mal. Ouais. Tous les âges de l'église commencent toujours bien et finissent toujours par l'apostasie. Il ne faut pas dormir. Mushilale. Car lorsque nous avons étudié même les sept âges de l'église, l'église commençait toujours par un réveil, un véritable réveil du Saint-Esprit, elle finissait par l'idolâtrie. Quand vous regardez, c'est le même chemin qu'ont suivi tous les royaumes, que ce soit en Israël, que ce soit en Juda. Et la Odyssée n'est pas Na écartée de cette voie. Naya avamtoshe muinjia pana. Aujourd'hui, le péché Leo Zambi de la Odyssée pèse sur lui. Ya Laodikia inamulemea. C'est vrai. Bien kweli. Et après sa mort, na kisha kufa kwake, c'est son fils aussi qui est venu. Ni mwana wake naye alikuja. Comme la Bible l'a dit ici. Vile Biblia inasema hapa. Asa son fils régna à sa place. Asa mwana wake alitawala kwa fazi yake. De son temps le pays fut en repos pendant 10 ans. Mutawalo yake inchi ilikuwa katika mapumziko kadiri ya miaka 10. Vous lisez la Bible. Ukisoma Biblia. Vous entendez Dieu citer les années de règne de quelqu'un? Mungu anataya miaka ya utawala mtu fulani. Où il dit il marcha avec Dieu ou dans les voies de Dieu pendant 5 ans. Mule Mungu anasema déjà dans votre pensée, il faut comprendre qu'après ces années-là, il y a eu des problèmes. Mwelewa kwamba kisha ile miaka kulikuwa mambo fulani. Dieu ne précise pas ces années pour rien. Mungu ashitaye ile miaka kwa bule. Regardez à ça. Tazameni hasa naye. Prenons deuxième chronique chapitre 14. Mambo ya siku ya pili 14. Dans son verset 1. Mstari yake ya kwanza. Asa. Tu sais qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Asa, tu sais qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les autels et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattu les idoles. Alivunja masanamu na baada ya kuabudia masanamu yote ya kigeni. Dieu lui a donné aussi une grâce. Mungu naye alimpatia neema. Il a vu comment ses prédécesseurs avaient marché. Aliona namna kanibali walimtangulilia walitembea. Asa devenu roi. Asa yeye kisha kwa mfalme. Il régna 41 ans. Alitawala miaka 41 mu Yuda. Pendant son règne, l'église est avec moi. Utawalo yake. Asa marcha dans la voie de l'Éternel. Notez cela. Asa alitembea mu njia ya wamilele, muishike, muyandike. Comme la Bible le dit ici, vile Biblia il fit disparaître tous les hauts lieux dans son royaume. Alitosha mahali yote ya kuabudia masanamu mfalme wake. Et il brisa même les statues alivunja du soleil. Na masanamu yote ya jua. Parce que les gens avaient abandonné l'Éternel. Kwani watu walimwacha pour adorer le soleil. Kia kuabudu jua. Église Kambo. Kanisa Kambo. Ces gens sur lesquels nous parlons batu, sont les enfants d'Abraham dans la chair. Ni batoto ba Ibrahim mumwili. Ceux qui ont fini dans leur apostasie, adorer le soleil et abandonner l'Éternel. Bonjour, malifikia, mukwacha kwa imani kwa wabo, wananza kwa budu jua na kumwacha wa milele. Les frères et les sœurs qui ne comprennent pas les voies de Dieu. Je commande à mon honneur qu'il a mal abandonné la parole de Dieu. Wakati batu banacha imani wanabaona. Il commence à se compromettre. Anaanza kutembea mbaya. Il devient pire qu'un païen. Anakuwa babaya kushindia wapagani. Les sœurs, les frères dire. Mutasikia banduku na badada banasema. Il est arrivé jusque là. Na yeye anafika mwile kimo. Si vous abandonnez Dieu, kama ukimwacha Mungu, il n'y a plus de frein pour vous. Hakuna tena kitu ya kukusimamisha. Vous avez changé de direction. Unabadilisha njia. Ulikuwa unaenda juu. Sasa unaanza kushuka chini. Vous irez de profondeur. Utaenda mupana. Profondeur. Upana zaidi, mububaya. Ce n'est pas la parole de Dieu que tu as entendu qui va te retenir. Aina neno la Mungu ulisikia ndio kukusimamisha. Juu unesha kuiacha. Soyons prudents. Tupate kwa veyerevu tusopoke. Et veillons. Na tukeshe. Car la Bible dit veillons. Wakati Biblia nasema tukeshe. Chacun doit comprendre. Kila mtu anapaswa kuelewa. Qu'il y a des choses qui peuvent vous écrouler si vous ne veillez pas. Ya kwamba kuku vitu vinaweza kuangushisha kama ukeshe. Un chrétien veille tous les jours de sa vie. Mon Christ, jusqu'à ce que la mort l'emporte. Et qu'on a caché qu'il a dit. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne le chercher. Vous fiquez n'importe où la loupe n'en beba, ou alors vous fiquez n'importe où Jésus-Christ va t'accorder une chugua. C'est vrai. Bien quoi. Mais quand Asa est entré, wakati Asa alingia, il brisa, alifunja les statues, masanamu. De Dieu soleil, du Dieu soleil. Yaule Mungu jua. Et pour montrer qu'il était juste devant Dieu. Ya konesha sema alikuwa kunyoloka mbele ya Mungu. Il donna l'ordre. Akaleta à tout Juda. Aleta gizo kwa Yudea mzima. De chercher l'Éternel. Ya kwamba wamtafute wa milele. De rechercher l'Éternel. Wamtafutishe wa milele. Et de pratiquer sa loi. Na wapate kutumikia sheria yake. Il avait de très bonnes intentions. Alikuwa na mania mzuri. Il était droit dans son cœur. Alikuwa kunyoloka moyo wake. Comme Judas avait déjà abandonné l'Éternel. Vile Yuda alikuwa ameshaacha wa milele. Asa maintenant ordonna. Sasa Asa akamuru. Au petit comme au grand. Au petit comme au grand. Mkubwa wala mdogo. De rechercher l'Éternel. Ya kwamba wamtafutishe wa milele. Et que tout le monde. Na bantu bote. Mettre la loi de Dieu en pratique. Bapate kuchika wala kutumikia sheria ya wa milele. Bien aimés frères et sœurs. Wapendo wanduku na wadada. Le peuple. Taifa. Ne peut servir l'Éternel. A Yesu mutumikia wa milele. Ne peut servir Dieu. A Yesu mutumikia Mungu. Qu'au cas où il y a des serviteurs. Wakati ile kuku batumishi bawili. Qui les poussent. à chercher l'Éternel. Pour un peuple, pour qu'une église ait la soif de chercher Dieu, il faut dès le départ qu'il y ait des hommes de Dieu mandatés par Dieu qui poussent l'église, qui poussent le peuple à rechercher la face de l'Éternel. C'est vrai. Si il n'y a pas des hommes de Dieu qui poussent les gens à chercher Dieu, le peuple ne les cherchera pas. C'est vrai, frère. Un véritable serviteur de Dieu. Wakati mtumishi wa Mungu wa kweli. Est au service de Dieu. Eko na mtumikia Mungu. C'est ça le moment favorable. Ile ndio wakati ya mafaa ya Mungu. Où l'église et le peuple de Dieu. Makanisa wala kwa taifa. Doivent rechercher l'Éternel. Ile wanapashi mtafuta wa milele. L'église est avec moi. Kanisa nafuata. Quand un homme de Dieu, wakati mtumishi wa Mungu, envoyé par Dieu, mwenye kutumwa na Mungu, apparaît quelque part, akionekana fasi fulani, c'est ça le moment de la grâce, que Dieu envoie ce peuple-là pour chercher l'Éternel. Et pendant cette période-là, quiconque cherche l'Éternel, Dieu aussi se verra, se laissera voir. Atariachiria bamuone bampate. Dans Esaïe 55, dans son verset 6, voyez, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. La présence d'un prophète, la présence d'un véritable serviteur de Dieu, c'est ça le temps favorable pour le peuple de Dieu de chercher Dieu. C'est ça le moment favorable de leur salut. Aussi longtemps que l'homme de Dieu prêche la vérité, il enseigne les voies de Dieu au peuple, c'est ça le moment favorable que le peuple doit profiter pour invoquer Dieu, pour chercher Dieu, et Dieu se laissera voir. Pourquoi? Parce que Dieu est avec son serviteur. Vous dormez? Vous dormez? C'est vrai. Il y a un temps pour toutes choses. Quand Dieu traite avec le cœur, il traite avec les âmes, c'est-à-dire il veut sauver les âmes, il est encore miséricordieux. C'est ça le temps favorable que tout homme peut profiter. Asa, voyant que c'était le moment favorable, après avoir vu toutes les bêtises que son père avait fait, dans sa vieillesse aussi, alors il voulait que Dieu rentre en Israël. C'est pourquoi il avait donné cet ordre. Il dit, recherchez. Parce qu'ils avaient déjà abandonné, ils n'avaient pas Dieu. Recherchez l'Éternel. Et pratiquez la loi de l'Éternel. Pendant ce temps, wakati, Dieu fut avec Asa. Mungu alikuwa pamoja na Asa. Il bâtit des villes fortes. Alijenga manyumba, miji ya nguvu. Et pendant ce temps, na mwile wakati, Dieu donna au royaume de Juda la paix. Mungu akaleta salama mufalme ya Yuda. C'est pendant la paix. Ni mwakati ya salama. Asa le roi. Mule Asa mufalme. Le roi de Juda. Mufalme wa Yuda. Bâtit les villes fortes. Jomula alijenga ma miji ya maukuta ya nguvu. Écoutez. Musikilize. C'est pas des histoires que nous amenons ici. Aina maadisi ile tukunamitekea hapa. Nous parlons de la réalité. Tunamiambia vitu vya kweli. L'édification de notre foi. Kujengwa kwa imani yetu. L'édification de la foi de tout homme. Kujengwa kwa imani ya kila mtu. L'édification d'une église. Kujengwa kwa kanisa fulani. L'édification. Kujengwa d'une famille. Kwa jamaa. L'édification. Kujengwa d'une église. Kwa kanisa. C'est fait toujours pendant la paix. Inafanyika kila mara ni wakati ya salama. Souvenez-vous de mon enseignement sur. Mkumbuke mafundisho. Le roi si Salomon. Yule ya Salomon. Lorsqu'il devient roi. Wakati akakuwa mfalme. Il a dit d'abord pacifier le pays. Kwanza alileta salama mwinchi. Avant de faire quoi que ce soit. Bele ya kufanya izuru nini. Frère. Nduku. Ma sœur. Dada yangu. C'est pendant la paix. Wakati ya salama. On doit édifier notre foi. Jomule tunapashi kujenga. C'est pendant la paix. On doit édifier notre église. Tunapashi kukangamisha. Pendant la paix, on doit édifier notre foyer. Pendant la paix, pendant la paix, c'est ça le bon moment de construction. Même le pays ne peut pas être construit pendant la guerre. Hata inchi hawezi kuijenga muvita. Ça n'a jamais existé. Haifanyika. Ça n'existe pas. Haikalakeko. Ça n'existera jamais. Haita kuwa kamwe. Pendant la guerre. Wakati ya vita. Il y a plusieurs seigneurs. Muko baba. Le pays est toujours divisé. Baba na vita ba mingi. Inchi nekalakenye ukabulana. Pendant la guerre. Wakati ya vita. Les guerres sont divisées. Mama mioyo inagawana. Les guerres sont partagées. Mioyo inakatika. Pendant les troubles. Wakati ya mvurugo. Les guerres sont partagées. Mioyo inagawanyana. Il y a du trouble dans un couple. Les cœurs sont partagés. Il y a du trouble dans l'église. Les cœurs sont partagés. On ne peut pas édifier la foi. Dans l'église, la foi des croyants. La foi des croyants dans l'église. Pendant la période des troubles. Wakati ya mufuruko wa Yesu kufanika. Non. Les cœurs sont divisés. Mioyo inesha kabulana. C'est vrai, frère. Bien qu'il y ait un coup. Quand dans le couple il y a du désordre, les cœurs sont divisés. On ne peut pas édifier cette église, ce foyer là. Ça n'est pas en train de faire le travail. C'est lui qui unifie les cœurs. C'est lui qui réconcilie les cœurs. C'est lui qui amène la paix. C'est seulement notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le prince de la paix. Car un cœur est rempli de péchés. Wakati moyo inajaa na dhambi. Ce cœur-là est troublé. Ile moyo inakuwa na mafuko. Il y a des condamnations partout. Mahukumu fasi. Je ne peux pas œuvrer dans ce cœur-là. Où il y a de la confusion. Il y a des démons qui agissent. Non, je ne peux pas œuvrer. Mungu hawezi kutumika naye mwile moyo. Pendant la paix. Wakati ya salama. On peut faire des prédications ici. Tunaweza kufanya mahubiri ya mingi hapa. Mais retenez seulement. Lakini mushike tu ya kwamba. Que ta foi. Ya kwamba imani yako. Ne peut jamais être édifiée dans les troubles. Hayezi kama kujengwa mvuruko. C'est Satan qui amène les troubles dans l'église. Ni shetani ndio analeta kwa mvuruko. C'est Satan qui amène les divisions dans l'église. Shetani ndio analeta kwa mvuruko. C'est Satan qui amène les troubles dans le foyer. Shetani ndio analeta kwa mvuruko. C'est Satan qui amène des divisions dans le foyer. C'est Satan qui amène des divisions dans l'amitié. C'est Satan qui amène des troubles dans l'amitié. Quand c'est un temps de troubles, on ne peut rien édifier. Rien alors. C'est vrai. La Bible ne dit-elle pas? Et Biblia iseme ya kwamba. Dans Jacques au chapitre 3. Yakobo sura ya kitatu. C'est pendant la paix. Wakati ya salama. Car l'église est en paix. Wakati kanisa iko msalama. Satan est en train de mijoter. Shetani yuko na sopa. Pour la déstabiliser. Et una sopa na tafuta kitu cha kuiangusha. Mais le véritable croyant aussi. Maaminifu babia kweli hapo. Pendant la paix. Wakati ya salama. Il se fortifie dans la parole. Wanaditia nguvu muneno. Et se fortifie en Dieu. Wanaditia nguvu muneno. Quand Satan viendra. Wakati shetani bwana atakuja. Ils auront maintenant l'occasion de le voir. Pale njoba takuwa na bahati ya kumuona. Et il ne causera pas de dégâts. Awezi kama kubatendea kibaya. Vous dormez l'église de Kambo. Eti kanisa Kambo munalala. Vous dormez. Munalala. Suivez. Mufate. Soyez attentifs. Muteke sikio. Jean-Jacques. Yakobo. chapitre 3, sura ya ketatu, dans son verset 18, mstari ya 18, écoutez comment la Bible dit. Musikilize vile Biblia inasema. Les fruits de la justice, tunda ya uwaki, est semé dans la paix, ni musalama, par ceux qui recherchent la paix. Wavale beko na tafutisha salama. Nous lisons ensemble. Tunasoma pamoja. Les fruits de la justice, tunda ya uwaki, est semé dans la paix, ni musalama, par ceux qui recherchent la paix. Wavenye kutafutisha salama. Vous voyez, unaona, pendant les troubles, wakati ya mufuko, pendant la guerre, wakati ya vita, il y a un zèle amer, il y a un zèle amer, bidi ya uchungu, il y a un esprit de dispute, ukuro ya makokotano. Il y a du désordre partout. Il y a des mauvaises actions qui se commettent. Quand les cœurs sont troublés, il y a toutes sortes de mauvaises actions qui se commettent. Quand dans un couple, quand l'homme et la femme ne marchent pas ensemble, regardez, c'est l'esprit de vengeance. La femme veut se venger sur son mari. Le mari veut se venger sur sa femme. L'homme fait des coups à sa femme. La femme aussi réplique. Des troubles, des désordres. Wakati ya mufuruko ya fujo. Frère, quand dans un couple, wakati mujama, il y a du désordre. Muko fujo. Quand Satan entre, wakati shetani anaingia, frère, vous remarquerez, ndugu mutaona, les mensonges qui apparaissent. Bongo mutaonekana. Les calomnies qui apparaissent. Masingizio inaonekana. Les mépris qui apparaissent. Dharau inaonekana. L'église est avec moi. Kanisa rafata. Souvent, kila mara, quand un homme et sa femme, wakati bibi na bwana, sont en conflit, beko makokotano, c'est Satan qui est entré. Ni shetani ula naingia. Quand vous écoutez ces deux hommes-là, mukisikia wa watu wawili wanakomalishana, il y a trop de mensonges, trop de bongo, bongo bwa mingi, et trop de calomnies, na masingiziano ya bongo, ils sont suscités par la haine, yenye kulamushwa na chuki ya shetani mumoyo. Je vous donne cet avertissement, vous les frères, vous les sœurs. Na mipatia ukalamusho bantu. Quand vous trouvez un couple en conflit, ne vous mixez pas entre eux. Weyo shingirie pakatikati yabo. Il y a des démons, ils trouvent un couple en difficulté. Uma demo ile nakuta mundo wa mkufujo. Ils vont aussi là pour activer le feu. Na iya neingia mule jua kuwakisha moto. Non, frère. Apana nduku. Non, ma soeur. Apana dada yangu. Souvent, quand il y a un différent dans le couple, c'est la loi de la haine ni sheria ya qui prime. Joy kuna tawala. Et quand il y a la haine, mkuchuki, il y a trop de mensonges. Bongo ba trop de mensonges. Bongo et mingi. Trop de calomnies. Et ya trop mingi. De fausses interprétations. Tafsiri ya mingi ya bongo. Les mauvaises pensées s'élèvent de partout. Mawazo mbaye kuna lamuka fashi yote. La confiance. Matumaini. N'y est plus. Aina motena. Parce que c'est Satan. Juni shetani. Tu peux voir. Unawezi kuona. Un frère. Ntuku. Il conçoit un grand mensonge. Anatunga bongo mnene. Yulu ya bibi yake. N'était pas ta chérie d'alliance. Inakuwa sawa ana mupendo wake wa agano. Il oublie tout le bienfait. Anasabu vizuri vyote alimtendea. Il a déjà fait. Bila ile bibi alimtendea. Pendant tout le temps de la paix. Wakati yote ya salama. Tu peux trouver une femme. Utakuta mwanamke. Abuse pas les démons. Mwenye kushikwa na mademona. Pendant le temps de trouble. Wakati ya mufuruko. Elle me prise son mari. Anapeula bwana yake. Elle lui a acquis des choses ana mustaki bitu vya uwaji. Si ce n'est pas son chéri. Sawa asikuata mupendo wake. Non, frère. Apana nduku yangu. Non, ma soeur. Apana dada yangu. Napashu kesha. Quand Dieu nous donne la paix, wakati Mungu anatupatia salama, pendant ce temps-là, ni mwile wakati ya salama, il faut fortifier cette paix. Jo inapashu kutia nguvu kuile salama. On sème une bonne semence pendant la paix. Banapanda kambe ko muzuri mwakati ya salama. L'église avec moi. Kanisa inafuata. C'est parce que les gens font cela parce qu'ils ne tiennent pas la parole. Batu beko na fanya vile. Ils ne tiennent pas la parole. Ni jua bachike neno la Mungu. Quand les troubles arrivent dans la maison, wakati mufuruko ikiingia mundoa, c'est parce que Dieu n'est plus. Ni Dieu Mungu anamotena. Quand Dieu quitte la maison, wakati Mungu akitoka munyumba, les troubles arrivent. Mufuruko nayo inaingia avec Satan. Pamoja na shetani. Et vous remarquerez les gens qui passent des moments de désordre, de troubles, n'écoute pas. Même les exhortations qu'on peut leur donner, ils n'écoutent pas. Pendant la paix, voilà le moment favorable dans lequel on édifie l'église. Quand Satan entre dans une église, les cœurs aussi sont partagés. C'est la loi de la gêne, de la haine, ce sont les calomnies, ce sont des fausses justifications qui ne sont même pas basées sur la parole. Chacun interprète les versets bibliques à sa propre manière. C'est Satan qui est entré, tout homme à son chef. Tout homme a son chef. Mtu wote yuko na chefu yake. Huyu yuko na shetani wa kafirani. Wa chuki. Huyu yuko na shetani wa masingizano. Ni fujo, fujo, mfujo. Même les gens qui viennent à l'église ne peuvent pas être édifiés. Hawawezi kujengwa. Même tout ce qui est dit du haut de la chair, chacun interprète à sa manière selon sa situation. Namna yake kufatana na mambo yake. C'est Satan à l'œuvre. Ule ni shetani yuko natumika. Mais nous devons édifier notre foi. Alakini tunapashi kujenga imani yetu. Notre couple. Ndoa yetu. Et notre église. Makanisa yetu. Mwakati ya salama. Quand Dieu te donne la paix. Wakati Mungu anakupatia salama. Dieu te donne un travail. Mungu anakupatia kazi. Il y a un bon salaire. Uko na mshahara mzuri. Dieu bénit tes activités. Mungu anabariki makazi zako. Il y a un peu d'argent. Uko kona fedha. C'est pendant le temps de votre paix. Mwile wakati ya pendant salama yako. Pendant le temps de votre paix. Mwile wakati ya salama yako mule. Nawe uhangaikie. D'investir. Yawe kuchunga akiba. Ne soyez pas insensé. Usikuwe mtu mjinga. Dieu te donne l'argent pendant la paix. Mungu anakupatia fedha wakati ya salama. Ma fait penser. Mawazo yako. Limite au superficiel. Inashimamia tu pa vitu vya mbele mbele. Unapenda kula mzuri. Tu veux t'habiller comme un prince ou une princesse. Unapenda uvae safi mfalme. Vous êtes malade. Manake uko mgonjwa. Quand Dieu amène la prospérité, Dieu te donne une bénédiction. Anakubariki. Pendant ce temps de la bénédiction, ile wakati ya baraka ile, c'est ça le temps favorable. Ndio wakati ya kufaa. D'investir. Yawe kuweka akiba. Na mfalme ya Mungu. D'investir pour votre foyer. Kuweka akiba juu ya jamaa yako. Pendant la paix. Wakati ya salama. D'investir pour votre foyer. Ali yawe kuchunga akiba juu ya jamaa yako. Wewe prostitué. Wewe unaweka akiba. Ubandumba huko shetani. Tu ne comprends pas? Ah, ouéle, ouéle, kitu. Oui, frère. Diondoku. Si vous voyez, Asa, il a construit des villes fortes. Arijenga manyu mama miji yangufu ni mwakati ya salama. Le cœur. Wakati moyo. Ont encore soif de Dieu. Ikuna kiu ya Mungu. C'est ça le temps favorable. Wakati ya mafa. Pour les aider à chercher Dieu. Ya kuisaidia kutafuta Mungu. Quand le cœur se tourne contre Dieu. Wakati moyo ya ikale tena Mungu. N'écoute plus. Ule Bwana wewe tena kusikia. Son cœur est fermé. Moyo wake nafungwa. Il ne veut plus écouter. Hawezi tena kusikia. Oui, bien-aimé frère. Dieu nous compagne. Si on avait le temps, kama tungekuwa na wakati, on pouvait en parler davantage. Tungesema zaidi yule aiye. Mais que celui qui est de Dieu, lakini mwenye kwa wa Mungu, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Asikie kile Roho Mtakatifu anasema. Oui, bien-aimé frère. Dieu nous compagne. Oui, bien-aimé sœur. Dieu dada mpendwa. Construisez toujours pendant la paix. Kila mara mujenge mwakati ya salama. Édifiez-vous toujours pendant la paix. Mujenge mwakati ya salama. Édifiez votre maison pendant la paix. Jenga nyumba yako. Édifiez votre église pendant la paix. Jenga kanisa yako mwakati ya salama. Pendant la paix, profitez-en. Mwakati ya salama. Profitez-en. Muifaie. Pour garder cette paix. Et la bénédiction que Dieu t'a donnée. Ile baraka Mungu anakupatia. Oui, bien-aimé frère. Dieu ndo kumpende. Oui, bien-aimé sœur. Dieu dada mpende. Pendant la paix. Wakati ya salama. Éloignez-vous de tout mal. Mwende mbali na bubaya bote. Faites du bien pendant la paix. Mufanye vizuri wakati ya salama. Oui, bien-aimé frère. Dieu ndo kumpende. Recherchez la paix. Tafutisheni. Poursuivez-la. Tafutisheni salama. C'est comme ça que les Écritures disent. Mwifate zaidi. Pendant la paix. Wakati ya salama. Faites du bien. Mufanye vizuri. Faire du bien. Mufanye vizuri. Signifie. Manake. Accomplir la volonté de Dieu. Kutimiza mapenzi. En toutes choses. Mapenzi ya Mungu mukila kitu. Mettre en pratique la parole de Dieu en toutes choses et en tout temps. Kila wakati na mwakati yote, mubitu biote. C'est vrai. C'est ce que Asa fait. Le royaume de Juda. Avec son roi Asa. Na mfalme wayo Asa. Recherchez l'Éternel. Alikuwa anamtafutisha wa milele. Et Dieu leur accorda du repos. Na Mungu aliwapatia mapumziko ngambo yote. Dieu est bon frère. Mungu ni mwema nduku. Dieu est très bon. Mungu yuko mwema zaidi. Dieu ne peut pas décevoir. Mungu hawezi kukosea. Quelqu'un qui le veut. Mtu ule anamtaka. Dans son cœur, dans sa famille, yake, dans l'église, kanisa, mon frère. Abana nduku, quand quelqu'un wakati mutu, se consacre anajitowa, dans la prière maombi, à chercher Dieu, mutafuta Mungu, Dieu lui accordera certainement le repos. Mungu akika atampatia mapumziko. Vous n'avez pas Dieu. Na Mungu. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce vous n'êtes pas consacré à les rechercher. La plupart des frères, mingi katikati ya banduku, ils veulent recevoir tout gratuitement. Banapenda bapoke biote kwa bure. Vous négligez la parole de Dieu. Neno na Mungu. Vous vous absentez de l'église. Una lofo kanisa. Tu ne pries pas. Uombe tena. Tu t'occupes de tes propres affaires. Unangaikia makazi zako. Et vous voulez que Dieu na unapenda Mungu. Te bénisse. Akubariki. Non. Hapana ndugu mpendwa. Lorsque tu te soucies de Dieu, wakati unamwangaikia Mungu. Dieu aussi Mungu naye te souciera de toi. Atakuangaikia na wewe. Lorsque tu te charges wakati unaditwi, de la parole de Dieu dans ton cœur, neno na Mungu mmoja, Dieu aussi Mungu naye te chargera ataditwika de ta propre vie. Na maisha yako yo mwenyewe. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Si vous cherchez le bien, kama unatafuta bizuri, Dieu vous accordera le bien. Mungu atakupatia bizuri. C'est Dieu qui a tout. Mungu ndiye kona byote. A tout. Mungu yuko na vitu byote. Tout ce que nous cherchons là. Bile biote tu kunatafuta mo maisha. Biku kwa Mungu. Et si vous cherchez Dieu. Na kama ukimtafuta. Quand Dieu viendra. Wakati Mungu atakuja. Il viendra avec tout ce dont vous avez besoin. Atakuja na yote ile unahitaji. Oui bien mes frères. Dio ndoku mpendwa. Oui bien mes sœurs. Dio dada mpendwa. Il viendra avec tout ce dont vous avez besoin. Atakuja na yote ile unahitaji. Tu aimes Dieu. Unampenda Mungu. Lui aussi t'aimera. Si tu aimes le Saint-Esprit, il te donnera le Saint-Esprit. Tu aimes une vie sanctifiée. Notre Dieu te donnera une vie sanctifiée. Tu aimes la délivrance. Même si il y a un démon, il t'a tourmenté des années et des années. Mais dans ton cœur, tu aimes la délivrance. Notre Dieu vous accordera une délivrance totale. Atakupatia ufungulifu wa kabisa yenye koneana. C'est vrai frère. Ya kweli nduku. Parce que Dieu veut ton bien. Dieu Mungu anapenda vizuri byako. Ndio. La Bible dit. Biblia inasema. Dans Proverbes au chapitre 11. Ezali 10 na dans son verset 27. Mstari ya 10. Dans le premier paragraphe, il est dit. Nasemwa hivi. Celui qui recherche le bien. Ula anatafutisha nzuri. C'est-à-dire de la faveur. Analitia faida. Quand tu cherches Dieu, wakati unamtafuta Mungu, tu vas attirer la faveur de Dieu. Naya utakukotea faida ya Mungu. C'est vrai. Bya kweli. Dieu lui accorda du repos. Mungu akampatia mapumziko. Parce qu'il avait à cœur. Jua ruko mumoyo. De rechercher Dieu. Ya kutafutisha Bwana Mungu. Il obéissait à la parole. Alikuwa anatii kuneno la Mungu. Il marchait dans la parole. Alikuwa anatembea muneno la Mungu. Dieu lui donna la sécurité. Mungu alimpatia ukingo. Frère. Nduku. La sécurité. Ukingo. La paix. Salama. Ne vient que de Dieu. Inatokea paka kwa Mungu. Le sang de Jésus-Christ, l'œuvre du calvaire, nous a amené toutes les bénédictions rédemptrices. Il y a les bénédictions spirituelles, il y a les bénédictions physiques, charnelles, financières, tout Dieu, quand il vient, il s'accompagne avec ça. Asa. C'est confié en Dieu. Alimtumainia Mungu. Il a cherché Dieu avec tout Israël. Alimtafuta Mungu pamoja na Israeli mzima. Et pendant cette période de paix, na mwile wakati ya salama, il eut une très bonne, et une puissante armée. Ah, akapata jeshi moja uwezo. Des hommes vaillants. Batu bashuja. Oui, bien mes frères. Dieu ndo kumpenda. Tout ce qu'il faisait. Ile yote alikuwa anafanya. Dieu le bénissait. Mungu alikuwa anaibariki. Quand vous avez, vous honorez la parole de Dieu. Wakati unaheshimu neno. Dieu bénira tout ce que vous entreprendrez. Mungu atabariki yote ile utafanya. Quand tu fais la volonté de Dieu. Wakati unafanya mapenzi ya Mungu. Et vous recherchez la volonté de Dieu. Na unatafutisha mapenzi ya Mungu. Tout ce que tu entreprendras. Ile yote utafanya. Dieu le bénira. Mungu ataibariki. Quand tu fais la volonté de Dieu. Wakati unafanya mapenzi ya Mungu. Frère, tu restes à la volonté de Dieu. Unakesha mu mapenzi ya Mungu. La volonté de Dieu dans ta vie. Unapenda mapenzi ya Mungu maisha. Dieu Mungu sera ton bouclier. Atakuwa ngabo yako. Regardez pendant la paix. Tazameni mu wakati ya salama. Il y a eu Zerach. Kulikuwa Zerach. Le roi de Tou. Mufalme wa Éthiopie. Wa Ethiopia. Qui est venu attaquer Asa. Alikuja kumkombanisha Asa. Il est venu à un très mauvais moment. Alikuja mu wakati ya mubaya sana. Pendant que Dieu traitait avec Asa. Wakati ile Mungu alikuwa anatumika na Asa. Et pendant qu'Asa marchait dans la volonté de Dieu, Satan est venu tenter son royaume. Shetani akakuja kupima ufalme yake. Et comme Asa, sawa vile Asa, marchait dans la volonté de Dieu, alijua mapenzi ya Mungu. Il s'appuya sur l'Éternel des armées. Akamtumainia yule wa milele wa majeshi. Et Dieu lui donna la victoire sur les Éthiopiens. Mungu akampatia ushindi yule wa Ethiopia. Et les Éthiopiens étaient venus avec 1 million. Wa Ethiopia walikuwa na de soldats. 1 million elfu, de soldats. Elfu ya wa askari. Zerach était accompagné de 1 million de soldats. Pour attaquer un petit territoire. Alikuwa na milioni mzima ya wa askari juu kumbanisha jimbo dogo. Mais comme Asa, kwa vile Asa avec Dieu, alikuwa na Mungu, il faisait la volonté de Dieu. Alikuwa anafanya mapenzi ya Mungu. C'était pas la guerre d'Asa. Haikuwa vita c'était ya la guerre Asa, de l'Éternel. Ilikuwa ni vita ya wa milele. Les 1 million. Ile milioni mzima. Non jamais fait peur à Asa. Aya kumtetemesha ka Asa. Frère, Dogo. Quand Zerach est arrivé, wakati Zerach alifika, Dieu lui-même, pas d'abord le soldat, Mungu yeye mwenyewe, hapana hata askari wake. Dieu lui-même est descendu. Mungu yeye mwenyewe alishuka. Et Dieu lui-même a détruit les Éthiopiens. Mungu yeye mwenyewe aliharibu ba Ethiopia. Souvent les gens ne comprennent pas quand nous disons l'Éternel des armées. Kila mara watu waelewa wakati tunamwita wa milele wa majeshi. Wa majeshi. Des armées. Dieu peut tout utiliser. Mungu anawezi kutumikisha vitu vyote. Tout ce qui existe. Bila vyote biko wako. Et une arme dans la main de Dieu. Ni jeshi. Il peut utiliser. Pour défendre son fils. Ya ukombania mtoto wake. Dieu peut utiliser le sable. Mungu anaweza kutumikisha hata mchanga. Dieu peut utiliser le vent. Mungu anaweza kutumikisha pepo. Dieu peut utiliser le soleil. Anaweza kutumikisha jua. Dieu peut utiliser les insectes. Mungu anaweza kutumikisha vidudu. Dieu peut utiliser les mouches. Anaweza kutumikisha baizi. C'est terrible. Mungu ni wa ajabu wa kuongopesha. Dieu peut même utiliser les bruits. Anaweza makelele les bruits. Juste tu makelele les bruits seulement. Dieu est terrible. Mungu ni wa kuteteme wa kuongopesha. Frère. Donc, c'est parce que nous ne croyons pas en Dieu. Ni jua tumuamini Mungu. Nous ne comprenons pas la puissance. Atuelewe uwezo ya Mungu wa uwezo wote. Il peut utiliser n'importe quoi. Anawezi kutumikisha hizo nini. Donner de la victoire. Ya kuleta ushindi. À celui qui se confie en lui. Wa ule anamtumainia. C'est vrai, frère. Bia kweli ndugu. C'est vrai, ma sœur. Bia kweli dada. Asa n'avait même pas fait la guerre. Asa chikupika tata. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu yeye mwenyewe. Frère, Dogo, Dieu avait très bien parlé. Mungu alisema mzuri. Il avait très bien parlé. Alisema mzuri. Est-ce que c'est correct, ça? Oui. C'est correct? Oui. Dieu avait bien dit à Israël. Alisema mzuri na Israeli. Il dit quand vous allez en guerre. Alisema wakati mtaenda mvita. Vous gardez seulement silence. Moi, mouka, tout kimia. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Tami kombania. Pour que Dieu combatte pour vous, ya, Mungu akukombania, vous devez être avec lui. Pamoja na ye. Et être avec Dieu signifie pamoja na Mungu manake honorer ni, sa parole ni et marcher dans sa parole. Manake ni kuheshimu neno lake na kutembea ndani ya neno lake. Quand vous marchez dans la parole, wakati unatembea ndani ya neno, vous faites la volonté de Dieu, unafanya mapenzi vous, ya Mungu, vous pratiquez ses lois. Chunga sheria yake. Dieu qui te combattra pour toi. Ni Mungu ndiye atakukombania. Oui bien aimé frère. Dieu ndiko mpenzi. Il a dit une fois. Alisema mara moja. À Israël. Na Israeli. Dans Exode 14, disons un peu cela. Toka sura yake 14. Oh frère. Tuku. Si l'église pouvait écouter. Kama kanisa que nous devons kusikia, toujours garder Dieu. Marcher Dieu. Marcher avec sa parole. Na Mungu neno lake. Nous garderons toujours silence en face de nos ennemis et Dieu combattra pour nous pour nous ramener la victoire dans toute situation, dans toute circonstance, dans la maladie, dans la famine, dans les troubles, dans la haine. Voyez, quand vous êtes abandonné par les gens, mais l'Éternel restera à côté de toi pour te donner la victoire. Même si tout le monde voyez, pour ne pas te donner à manger, l'Éternel te donnera à manger. Même si vous n'avez pas un sou pour être guéri, un sou pour payer les produits, après ça, c'est la guérison. Notre Dieu est le grand médecin. Il est le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Il combattra pour nous dans chaque circonstance, dans chaque situation. Il est le Tout-Puissant. Mais il faut s'appuyer sur lui et faire sa volonté. Dans Exode 14, dans le verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Voyez, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Et dans Deutéronome, Dieu avait dit à Israël, Deutéronome chapitre 2, donc chapitre 20, Deutéronome chapitre 20, commençons au verset 1, jusqu'à 4. Vous continuez avec Israël. Écoutez comment Dieu disait à Israël. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne craindras point. Amen. Car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Approche-toi du combat. Karibie kufita. Vous voyez, à part la pangara bouillie yabo, faut pas regarder leur nombre. Tu as foi en Dieu. Approche-toi du combat. Le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas. Devant eux. Car l'Éternel votre Dieu marchera avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. L'église Kambov, gardez Dieu, gardons Dieu dans notre cœur. Nos ennemis seront confus. C'est Dieu qui a promis cela. Il n'y a aucun homme qui a quitté le monde. Il est venu à Christ. Il fait la volonté de Dieu. Sans que Christ ne s'occupe de lui. Bila Christ, ne s'occupe pas. Ça n'existera jamais. Habita kuwa kako kamwe. Oui, bien-aimé frère. Dieu, kuna dada mpendwa. Oui, bien-aimé sœur. Dieu dada mpendwa. Quand vous avez Dieu, wakati kuna Mungu. Vous ne devez craindre rien. Vous ne craindrez rien. Hawezi kuogopa kitu. Oui, bien-aimé frère. Dieu ndoku mpendwa. Oui, bien-aimé sœur. Dieu dada mpendwa. Quand vous prenez, ukichugua. Même dans Deutéronome au chapitre 3, verset 22. Kumbukumbu la Torati 3:22. Père. Ndoku. Ma sœur, dada yangu, gardons la parole. Gardez la parole de Dieu. Vous voulez la bénédiction? Gardez la parole de Dieu. Vous voulez la protection? Gardez la parole de Dieu. Vous voulez la paix? Gardez la parole de Dieu. Vous voulez l'argent? Gardez la parole de Dieu. Vous voulez la santé? Gardez la parole de Dieu. Vous voulez la prospérité? Gardez la parole de Dieu. Vous voulez le Saint-Esprit? Garde la parole de Dieu. Vous voulez une vie sanctifiée? Garde la parole de Dieu. Il n'agit que par la parole. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Si vous avez Dieu, vous marcherez sans crainte. Deutéronome chapitre 3, verset 22. Ne les craignez point. Car l'Éternel votre Dieu combattra lui-même pour vous. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Dans une bataille avec un ennemi, c'est l'Éternel notre Dieu qui nous donnera la victoire sur nos ennemis. Oui, bien-aimé frère, c'est une promesse pour nous. Aussi longtemps que nous gardons la parole de Dieu, il n'est pas le temps de lire beaucoup de choses. Lisez seulement Deutéronome 28. Il y a les conditions de bénédiction pour ceux qui obéissent à la voix de l'Éternel. Il y a là. Les chants, je dis, si vous écoutez ma voix, vous vos chants seront bénis. Vous voyez, vos bétails seront bénis. Vos enfants seront bénis. Il n'y aura pas de stérilité parmi vous. Il n'y aura pas de suite à votre. Il y a tant de bénédictions. Dieu nous sauve. Mais il protège même notre santé. Oui, bien aimé frère. Dans Deutéronome chapitre 28, dans le verset 7 de la Bible dit, l'Éternel te donnera de la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Tout démon qui s'élèvera contre toi, il sera vaincu. Mais c'est n'importe quel démon qui te trouble. C'est vrai frère. C'est vrai sœur. Dans Samuel, 1 Samuel chapitre 17. Samuel wa kwanza 17. Dans son verset 47. Sara makumine na saba. Biblia nasema. La victoire. Ushindi. Appartient à l'Éternel. Ninya wa milele. Oui, bien-aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Oui, bien-aimé frère. Dio dada mpendwa. Nani anaweza kumshinda Mungu? Personne frère. Hakuna mtu. Qui peut vaincre Dieu? C'est la victoire appartient à l'Éternel. Ushindi ni wa milele. Quand vous gardez la parole, wakati unachunga neno la Mungu, soyez sûr que vous aurez la victoire. Même si vous voyez, hata kama ukiona, le ciel commence à s'obstruire. Unakuwa giza kumwili. Il y a des ténèbres dans le ciel. Ne regardez pas aux ténèbres. Regardez à l'Éternel. Regardez à Jésus-Christ. C'est lui. Ni yeye. Le vainqueur. Jomushindaji. Oui, bien-aimé frère. Dio ndugu mpendwa. C'est lui qui a vaincu au bois du calvaire. Yeye alishinda kumsalaba. N'a-t-il pas dit? Eti ashikuseme. N'a-t-il pas crié au bois du calvaire? Eti ashikulalamike msalaba. Tout est accompli. Ya kwamba yote inatimilika. N'a-t-il pas dit? Eti ashikuseme. Prenez courage. Usiwe na hodari. Car j'ai vaincu le monde. Kwani mimi nashinda dunia. Il a tout vaincu. Alishinda vyote. Pour que toi tu vives en paix. Upate kuishi msalaba. Oui, bien-aimé frère et sœur. Dio ndugu na dada mpendwa. Il est très important ni ya mafa kabisa de faire confiance à notre Dieu. Ya kumtumainia Mungu wetu. Oui, bien-aimé frère. Dio ndugu mpendwa. Oui, bien-aimé sœur. Dio dada mpendwa. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. Wa Korinto wa kwanza 15. Dans le verset 57. La Bible dit. Biblia inasema. Nous avons la victoire. Tuko na ushindi. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Gardez Christ en vous. Muchunge Kristo ndani yetu. Vous aurez la victoire. Mutakuwa na ushindi. C'est vrai. Celui qui a donné la victoire à Asa. Celui qui a donné la victoire à Jésus. Il te donnera aussi la victoire. Atakupatiana wewe ushindi. Oui, bien aimé frère. Dieu ndo kumpe. Oui, bien aimé sœur. Dieu dada mpe. Quand vous avez Dieu. Wakati kuna Mungu. Vous n'avez aucune crainte. Hauna na boka hata kidogo. Oui, bien aimé frère. Dieu ndo kumpe. Comme il est dit. Ile wanasema. Dans 1 Pierre, dans 1 Jean au chapitre 4. Yohana wa kwanza sura 4. Dans 1 Jean 4. Mstari ya 4. Il dit. Anasema. Vous êtes de Dieu. Muku ba miungu. Et vous les avez vaincus. Na muli washinda. Car celui qui est en vous. Wani ule kondani yenu. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Mungu wa kushindia ule kumdunia. C'est pourquoi quand nous avons Dieu, nous avons Mungu, la victoire. Tuko na ushindi. Oui, bien aimé frère. Dio ntuku mpeni. Oui, bien aimé frère. Dio dada mpendwa. Asa. Asa. Et tout Juda. Na Juda mzima. Une victoire. Walipata ushindi. Sur ses ennemis. Yuli ya wadui. Yabo. Et ils prirent un grand butin. Na walichugua mapato munene ya vita. Et dans les villes voisines, mamie, Dieu sait que Dieu iliona, avait accompli pour Asa, ile Mungu alimtendea Asa. Comment il avait détruit l'armée éthiopienne. Jesse ya wa Ethiopia. La terre s'empara de toutes les villes. Boka bukashika mamiuji yote kando kando. C'est vrai. Mbia kweli. Celui qui a Dieu, ule mwenye kwa na Mungu, il répand la terreur de Dieu. Eko na zambalisha boka, batu batatetemeka, batashika boka bwa Mungu. C'est vrai frère. Bien quoi, les démons ne te craignent pas toi. Ma démon a ikogope weye. Les démons ne peuvent pas me craindre. Ma démon a isku niongopa. Mais les démons. Ma démon a lakini. Craignent le Dieu que tu as. Ikuna ogopa Mungu. Craignent le Dieu que nous avons. Ikuna ogopa Mungu le tukunai. C'est vrai frère. Bien quoi, ndugu. C'est vrai ma sœur. Bien quoi, dada. Regardez ce que dit la Bible. Nazameni kile Biblia inasema. Dans deuxième chronique. Mambo ya siku wa pili. Mais vraiment c'est bien. Nduku ni vizuri kabisa. C'est bien de s'appuyer sur Dieu. Ni mzuri kumtumainia Mungu. Quand nous nous appuyons sur autre chose. Hapana kutumainia vitu vingine. Nous commettons une grosse erreur. Ale ni kosa munene. Vraiment. Kweli. Deuxième chronique chapitre 14. Mambo ya siku ya pili 14. C'est bien. 7. Je commence par là jusqu'au verset 10. Je parle même du verset 14. Écoutez. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda. Asa arikwana jesi ya watu miatatu. Portant bouclier et lance. Benyo chugua ngabo na mkuki. Verset 8. Mstari ya munani. Zerach. Zerach. L'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'un million d'hommes et de 300 akawa kombanisha na waskari milioni mzima na 500. Verset 9. Mashigari. Asa marcha devant lui. Il n'a pas eu peur. Asa katembea mbele yake. Il marcha devant lui. Akamkombanisha. Et il se rangèrent en bataille dans la vallée de Tisfat. Na akakombanisha mule mu bonde ya Tisfat. Verset 10. Msari ya 10. Asa invoka l'Éternel son Dieu. Asa kaita wa milele Mungu. Voilà le secret d'un chrétien. Jo siri ya muaminifu. Peu dans quelle situation vous trouvez. Aizuru mambo kani unapatikana. Invoquez l'Éternel des armées. Invoquez votre Dieu. Ita Mungu wako. Il vous écoutera. Yeye atakusikia. Asa. Asa. Invoquez l'Éternel son Dieu. Akaita wa milele Mungu wake. Na akasema. Éternel. Wa milele. Toi seul tu peux venir. En aide aux faibles comme aux forts. Oui, parce qu'on a eu ce que ça a dit à Bazaïf. Une prière inspirée. C'est une prière inspirée. Viens à notre aide. L'Éternel notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom. Na tunakuja ni mujina lako. Contre cette multitude. Mbele ya wa watu mingi. Éternel c'est notre Dieu. Wa milele Mungu wetu. Que ça ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Ishikwe mtu wa kuwina. Mungu anapenda hivi. Asa anamwachia mambo. Asa. Anasema, Ça a laissé la bataille entre les mains de Dieu. Toi seul Dieu. C'est toi qui fais livrer bataille contre ces gens. Ça n'a Yuda. Ils ont pris Dieu. Ils disent c'est toi. Nous combattons pour nous. Que l'homme ne remporte pas sur toi. Yakwamba hakuna mtu akuwina yule yako wewe. C'est pourquoi les sacrificateurs. Je crois même kwani. Hesabu 10 mstari 9. Walikuwa napika parapanda. Ilikuwa juu kumlisha Mungu. Ile anakaka Israeli. Pour que les souvenirs soient toujours présents. Je m'ukumbushe upate kuwako. Je Mungu alisema. Wakati mtaniita. Moi je viendrai combattre vos ennemis. Mimi nitakuwa kumalisha baadhi yenu. Et Asa lui dit, akamwambia, yes, c'est ta guerre. Huya hii ni vita yako. Nous, nous sommes des hommes. Si tuko bantu. Nous sommes peu nombreux. Tuko kidogo. Et ils sont 1 million. Bobe ko milioni mzima. Nous n'avons rien de mal. Si hatuna na bei mbele yako. Alors, viens combattre toi-même. Umikuya wewe mwenyewe kombane. Viens combattre pour ton royaume. Huyo kombane juu ya ufalme yako. Viens combattre pour ton temple. Huyo kombane juu ya hekalu yako. Viens combattre pour ta parole. Huyo kombane juu ya neno lako. Tu te promets. Ukumbuke malako yako. Oui, bien mes frères. Dio ndoku mpendwa. L'Éternel frappa les Éthiopiens. Wa milela kapika. Devant Juda. Wa Éthiopia. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Bele na mbele ya Yuda mzima wa Ethiopia wakakimbia. Oui bien mes frères et sœurs. Dio ndugu na dada mpendwa. Je sais pas si l'église comprend ça. Nisijue kama kanisa inaelewa. Quand vous vous appuyez sur Dieu. Wakati unamtumainia Mungu. Il n'y a rien, alors rien. Hakuna kitu hata kimoja. Qui peut t'atteindre. Kile kinaweza kubamba. Tu auras toujours la victoire. Tendele kwa na ushindi. Oui bien mes frères. Dio ndugu mpendwa. Tu auras toujours la victoire. Tendele kwa na ushindi. Dans Psaume 22. Zaburi, dans, verset, dans son verset 6. Makumi mbili na mbili musari ya sita. Il crie à toi. Warikulalamikia. Et tu étais sauvé. Na, il s'est confié en toi. Et il n'était pas con, il n'était point confus. Quelqu'un qui invoque Dieu Mungu, dans ce qu'il fait ne sera jamais confus. Awezi kama kupatishwa haya. Jamais frère. Kamwe. Dieu ne peut pas confondre celui qui s'appuie sur lui. Non. Même si tu n'es pas intelligent à l'école, appuyez-vous sur Dieu. Vous serez plus sage que Daniel. C'est vrai frère. Parce que c'est lui qui est la sagesse et l'intelligence. Oui bien mes frères et sœurs. Dans Psaume 37. Zaburi makumi tatu. Dans le verset 5, Musaria, recommande ton sort à l'Éternel. Peleka mambo yako kwa milele. Mets à lui ta confiance. Umutumainie. Et il agira. Naye Mungu atatenda. Beba mambo yako. Recommande ton sort à l'Éternel. Oui, umutumainie. Toi espère seulement à lui. Et lui finira par agir. Dans chaque situation, mambo yote, mettez-vous à l'écart. Wewe usimame pembeni. Remettez Dieu sur la scène. Uweke Mungu mkibeta. Lui-même s'occupera de cette affaire. Atangaikia ile mambo. Et Dieu aime cela. Na Mungu anapendaka vile. Dieu aime les gens qui lui font confiance. Mungu anapendaka watu wa kumtumaini. Oui bien mes frères. Dieu ndugu mpendo. Dans Psaume 44. Zaburi 44. Dans son verset 7. Mstari ya 7. Car wani, ce n'est pas à mon arc que je me confie. Aina kwa upinde yangu mimi natumaini. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Aina mpanga yangu itaniokoa. Mais c'est toi. Lakini ni wewe. Qui nous délivre de nos ennemis. Wewe ndio unatukomboa toka adui yetu. Na mwenye qui nous haïsse. Mwenye kupatisha haya benye kutuchukia. Oui bien mes frères. Dio ndo kumpendwa. Oui bien mes sœurs. Dio dada mpendwa. Asa a compris cela. Asa alielewa ile. Il a touché. Aligusa. Le cœur de Dieu. Moyo wa Mungu. Frère, Duku, quand tu veux que Dieu agisse, wakati unapenda Mungu atende, rappelle-lui ses promesses. Umukumbushe malako yake. Il lui dit, Seigneur, unamwambia Bwana, souviens-toi de ta promesse. Kumbuka malako yako. Ulisema hivi. Ulisema na vile. Ulisema hivi. Ulisema hivi. Kama nikifanya hivi, na wewe utafanya hivi. Kama mimi nafanya hivi, wewe Mungu utafanya hivi. Sasa que toi tu dis la vérité. Kama ile unasema ni kweli. Tu verras Dieu sur la scène. Utaona Mungu mkibeta. Dieu ne peut pas. Mungu ne peut pas accepter qu'il soit traité de menteur. Awezi kama Mungu aitikie umuite kwa wabongo hapana. Awezi kuitikia. Oui bien mes frères. Dieu ndo kumpenda. Kama una confiance. Na wakati unamtumainia Mungu. Usiogope kitu hata kimoja. La victoire est certaine. Ushindi ndio uhakika. Oui bien mes frères. Dieu ndo kumpenda. Notre Dieu. Mungu wetu. N'est pas un mythe. Ana mama fikiri. N'est pas une statue. Ana sanamu. Ana mtu. Il est Dieu tout puissant. Ni Mungu mwenyewe. C'est vrai frère. Psaume 56. Zaburi makumi tano na tano. Psaume 56. Zaburi makumi tano na sita. Confiez-vous à Dieu. Mumtumainie Mungu. Confiez-vous à Dieu. Mumtumainie Mungu. Et vous verrez la gloire du Seigneur. Mutaona utuwezo. Commençons verset 11. Lanzio mustari ya 11. Oh, commençons verset 10. Lanzio mustari ya 10. Mes ennemis reculent. Wadui yangu wanarudi nyuma. Au jour où j'écris. Musiku ile mimi nalalamika. Au jour où je te prie. Musiku ile mimi nakuomba. Au jour où je t'invoque. Musiku ile mimi nakuita. Au jour où je t'expose mes difficultés. Musiku ile nakwambia mahitaji yangu. Vous voyez? Munaona. L'ennemi adui. Recule. Adui anarudi nyuma. Ninajua. Que Dieu est pour moi. Ya kwamba Mungu yuko kwa ngambo yangu. Je me glorifierai en Dieu. Nitajitukuza ndani ya Mungu. En sa parole. Ndani ya neno lake. Je me glorifierai à l'Éternel. Nitajitukuza ndani ya wanilele. En sa parole. Na neno lake. Je me confie en Dieu. Namtumainia Mungu. Je ne crains rien. Sitaogopa kitu. Que peuvent me faire des hommes? Watu watanifanya nini? C'est vrai frère. Ndia kweli nduku. Asa bien compris. Asa alielewa mzuri. C'est ça le secret d'un chrétien. Ile njo siri ya mwaminifu. C'est ça le secret d'une église. Ile njo siri ya kanisa. C'est ça le secret d'une famille. Njo siri ya jamaa. Si vous avez des problèmes personnels. Kama kuna hitaji ya upekee. Faites confiance en Dieu. Umutumainie Mungu. Vous aurez la victoire. Utapata ushindi. Baadui yako batarudi nyuma. Wakati shetani anakuwa kukumbanisha nyumba yako. Wewe utumainie Mungu. Mwamilele wa majeshi. Il amènera la paix. Ataleta salama. Na atakupatia ushindi. Wakati mambo inakuwa mkanisa. Tumutumainie Mungu. Tumutumainie mapenzi ya Mungu. Tumuite. Tumuike. Naye. Atajibu. Atatupatia ushindi. C'est ce qu'il a promis. Il ne peut pas nous décevoir. Awezi kutukose, oui, kutukosea. Ndio ndo kumpenda. Oui, bien aimé sœur. Dieu dada mpenda. Asa. Asa. C'est confiant l'Éternel. Alimutumainia wa Mungu. Et il a très bien prié. Na aliomba mzuri. Il dit c'est à toi. Anasema ni kwako wewe. Nous nous sommes appuyés à toi. Tunakutumainia wewe. Ce n'est pas par aina, notre force kwa nguvu yetu. Nous allons combattre notre ennemi. Ile tutakombanisha adui wetu. Hapana, hapana. Non. Hapana. Ils ont seulement Asa. Asa. Et Juda. Na Juda. Ont seulement rappelé à Dieu. Bali mkumbusha tu Mungu. Malako yake. Écoutez comment Frère Branham dit. Musikie namna kani ndugu Branham na. Je vais avant de terminer. Nitamisomea kitu fulani mbele ya kumaliza. Ndugu. C'est parce que nous ne croyons pas. Ni Dieu atuamini. Que nous ne voyons pas Dieu dans notre vie. Je parle à tout monde, Mungu maisha yetu. La foi vient de ce qu'on entend. Imani inatokea kwa ile tu kunasikia. 54 ni mahubiri. Du 3. Ya 1954. Du 3 ya et du 20 mars. Ya 20 mars. 20 mars. 20 mars. 1954. 1954. Écoutez. Musikilize. Au paragraphe 59. Kunukta yake makumi tano na kenda. Maintenant. Sasa hivi. J'ai dit ce soir, ce matin, que tout homme ya kwamba mtu wote, et toute femme ici, na mwanamke wote hapa, qui prendra Jésus-Christ, ula tachugua Yesu Christ, comme leur sauveur, sawa mwokozi wake, et qui acceptera la parole de Dieu, na ula tachikia neno la Mungu. Lorsque Dieu voit sa promesse, wakati Mungu anaona malako yake, il la gardera. Ataichunga. Amen. Amina. Vous voyez, unaona, lorsque Dieu voit sa promesse, Mungu anaona malako quand yake, vous invoquez la promesse de Dieu, manake, wakati ukita malako Dieu lui-même la gardera. Mungu ya mungu il agira. Amen. Amen. Je ne m'en fais pas. Shangaike. De combien le diable t'a abattu malangapi shetani arupika na magonjwa. Avec la lysémie. Na lysémie. Avec le cancer. Na cancer. Avec la tuberculose. Na funke. Ou que vous avez, que vous soyez extropié. Voilà, ou n'importe quoi qu'il a fait. Voilà, ezuru kitu kani shetani arifanya. Prenez seulement cette promesse de Dieu. Wewe uchukue tu malako ya Mungu. Qui est la parole de Dieu. Yenye kwa neno la Mungu. Et dites à Dieu. Na umwambie Mungu. Je crois cela. Mina yamini. Alléluia. Amina. La foi vient de ce qu'on entend. Imani inatokea kwa neno. Et ce qu'on entend vient de la parole. Na ile tunasikia inatoka kwa neno la Mungu. Waamini. Il agira. Ya kwamba atatenda na Mungu naye atatenda. Voyez mes frères. Unaona ntuku mpeni. Rappelez à Dieu sa promesse. Umukumbushe Mungu malako yake. Dites-lui ce qu'il a dit. Mwambie wewe Mungu ulisema. Voyez mes frères. Unaona ntuku mpeni. Gardez la parole. Chunga neno la Mungu. Et lorsque Dieu voit. Lorsque Dieu voit. Wakati Mungu anaona. Que vous avez accepté sa parole. Ya kwamba ulitikia neno lake. Inadulteré. Ya shoko alabika. Et que vous dites. Na unasema. C'est ta parole Seigneur. Ni neno lako Bwana. Alors Dieu verra sa promesse. Ale Mungu ataona malako yake. Alors il a dit. Na alisema. Quel que soit les choses que vous désirez, croyez que vous l'avez eu, que vous l'aurez, cela vous sera accordé. Frère, Duku. Dieu gardera toujours sa parole. Mungu atendelea kuchunga neno lake. Naona ntuku mpeni. Si Dieu kama Mungu agarde sa parole. Alichunga neno lake. Wakati hasa. Dans tes problèmes. Mambo yako. Dans tes difficultés. Magumu yako. Il agira aussi. Atenda tena. Il gardera sa parole sur vous. Atachunga neno lake yulu yako. Quand vous gardez la parole. Wakati unachunga neno la Mungu. Hata kama baadhi. Anakuzunguka ngambo yote. Appuyez-vous sur Dieu. Wewe utumainie Mungu. Les ennemis vont reculer. Maadui watarudi nyuma. C'est vrai frère. Mbia kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Mbia kweli dada. Et quand ça fait cela. Wakati hasa alifanya vile. Il a eu la victoire. Alipata ushindi. Quand quelqu'un marche dans la parole. Wakati mtu anatembea munene. Quand quelqu'un pratique la parole de Dieu. Wakati mtu anatumia neno la Mungu. Quand quelqu'un obéit à la parole. Wakati mtu anatii neno la Mungu. Dieu prend aussi sa défense. Mungu naye anamkomania. À toutes choses. Mambo yote. Tous les ennemis qui viennent contre lui. Baadhi wote wanakuwa kumaanisha. Watapata haya. Ils vont tomber. Watanguka. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. C'est vrai ma sœur. Bia kweli dada. Parlons-nous de ça. Et tu nous as dit ce matin. Et si tu nous as dit mambo acha tuwe. Tuko nasema ni yule yetu sisi wenyewe. Si vous sortez avec la tête d'Assa, comme on a toka, la pensée d'Assa, on a toka na mawazo ya Assa, manake huku mgonjwa ukunganishe kuroho. Unaona ndo kumpeni. Quand vous gardez la parole, ukichunga neno la Mungu, la maladie va reculer. Magonjwa tarudi nyuma. Les difficultés dans ta vie vont reculer. Magumu ya maisha tarudi nyuma. Les troubles dans ta vie vont reculer. Mvuruko mu maisha yako tarudi nyuma. La nudité va reculer. Kukosa kwa mavazi kutarudi. La famine va reculer. Jana tarudi nyuma. Oui bien mes frères. Dio ndo kumpendwa. Oui bien mes sœurs. Dio dada mpendwa. Et la terreur. Maboka. Devant tout le monde. Mutakuwa mbele ya watu wote watatetemeka. Les gens te craindront. Watu watakuogopa. Non pas parce que tu es fort. Haina sema huku na nguvu. Ils vont craindre les dieux qui t'accompagnent. Watakuogopa ni Mungu ule anakusindikiza. Gardez la parole. Muchunge neno la Mungu. Marchez dans la parole. Mutembe muneno la Mungu. Obéissez à la parole. Mutii neno la Mungu. Vivez la parole. Muishi neno la Mungu. Ne dérangez pas la parole. Mushizuru neno. N'interprétez pas mal la parole. Mushifasilie mba neno la Mungu. Pensez dans la parole. Muchongeze mawazo yenu ku neno la Mungu. Gardez la parole. Muchunge neno la Mungu safi. Dieu agira. Mungu naye atatenda. C'est vrai. Bia kweli. C'est vrai ma sœur. Bia kweli dada yangu. Il n'y a aucune difficulté. Hakuya kuyaka magumu tamoya. Ile unaishi kukombanisha. Dans laquelle Dieu n'interviendra pas. Mule Mungu hawezi kusaidia. Dieu veut notre paix. Mungu anapenda ni salama yetu. Dieu veut toujours nous voir heureux. Mungu anapenda kila mara tuone baya. Si c'est triste de ne pas de pas furaha. Kama huku muhuzuni Mungu hawezi kufurahi. Unaona ndugu mpenzi. Comme tu disais à une église. Ile nilikuwa nasema kanisa fulani. Comme nous les parents. Sawa vile bazazi. Nous voulons voir. Tunapenda kuona. Nos enfants être heureux. Watoto wetu wakuwe mufuraha. Mungu baba yetu naye anapenda kutuona kwa mufuraha. Dieu ne veut pas nous voir marcher dans la tristesse. Mungu ashipenda kutuona kutembea muhuzuni. Si nous voulons que Dieu soit notre kama tunapenda Mungu akuwa utukombania, akuwa mulinzi wetu, akuwa baraka yetu, il combat nos ennemis, apambanishe baadhi yetu, atusaidie mambo yote ya maisha. Tuchunge neno la Mungu safi. Bwana Mungu amebariki asubuhi ya leo. Simame juu ya maombi. Oui, Dio, il est le tout puissant. Yeye ni mwenye uwezo wote. Il n'y a rien. Hakuna kitu. Il n'y a rien. Alors rien. Hakuna kitu, hakuna kitu. Qui peut déranger notre foi. Kile kinawezi kusumbua. Aussi longtemps que nous avons Dieu. Wakati yote ile tuko na Mungu. Il nous aime. Anatupenda. Il veut nous donner tout ce que notre cœur désire. Anapenda utupatie ile yote moyo wetu unatamani. Mais nous devons lui faire confiance. Alakini tunapashu mutumaini. Comme Asa. Sawa vile Asa. Oui, c'est bon, hein? Ni bizuri. Souvent quand nous lisons l'Ancien Testament, kila mara wakati tunasoma agano la kale watu waelewa. Les choses ont été écrites. Ibi vitu waliviandika. Pour nous servir d'exemple. Ni tusaidie sawa mfano. Ce ne sont pas des histoires. C'est la parole éternelle de Dieu. Ni neno ya milele ya wa mile, ya Mungu. Chaque parole que tu lis, kina neno unasoma, elle vit au présent. Iku naishi ni kwa leo. Chaque verset que tu lis, kila mstari unasoma, elle vit au présent. Iku naishi ni kwa leo. Dans ce verset-là, mwile mstari, ce verset-là, ile mstari, couvre toute la puissance de Dieu. Inafunika uwezo wote wa Mungu. C'est vrai. Mbia kweli. On peut le chanter quand il... Wanaweza tutumia wimbo. Mungu ni wa uwezo wote. Tout est en lui. Yote iko ndani ya Yesu. Oui, quand nous sommes avec le Seigneur. Wakati tuko pamoja na Bwana. Nous aurons tout. Tutakuwa na yote. Nous n'allons pas trembler. Hatuwezi kutetemeka. J'avais vu un frère. Naliona kandu kumoja. Lorsque son travail était terminé. Wakati kazi yake ilimalizika. Il tremblait, il voulait fuir Kambof. Alikuwa anatetemeka. En brousse se réfugier. Ah, pendo kimbia Kambof ende mpori afichame. Wakati mimi namuona leo. Ah, il est plus en brousse. Ana tena mpori. Il voulait fuir parce qu'il n'avait plus du travail. Alipenda kimbie juu ana tena na kazi. Mais Dieu. Alakini Mungu anabakia Mungu. Dieu ne peut pas confondre. Mungu hawezi kupatisha haya. Ule anamtumainia. Ile iko na tuteswa ni kukosewa kwa imani ndani ya neno. Ce qui nous fait souffrir, c'est puisque nous manquons la foi dans la parole de Dieu. Nous manquons confiance et foi en Dieu. La cosa imani na tumaini ndani ya Mungu. Tunawajia kwamba Mungu. Comme toi et moi. Mungu ni mtu sawa wewe na mimi. Si quelque chose. Mungu akisema kitu. La chose s'accomplira. Ile kitu itatimilika. C'est oui et amen. Ni ndio na amina. Dieu nous a promis la protection. Mungu alitulaka ukingo. Il nous protégera. Atatukinga. Aussi longtemps que nous gardons sa parole. Wakati ile tunaendelea kuchunga neno lake. Dieu nous a promis la guérison. Mungu alitulaka ukingo. Il nous guérit de toute la maladie. Et comme nous tutunza magonjwa yote. Il guérit de chaque maladie. Ata tutunza na magonjwa yote. Oui, bien aimé. Dieu ndugu mpendwa.